Yeah. Un double 9-5 pour un, retour à la source, décollage imminent. Colle à l'juin, les gars de mon poste supportent le mouvement. J'dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis reviens réglo, chacun de mes flots choque les petits les grands. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ Low. Et les types sont carrés frères, avec des rimes qui percutent. Une horde de Zoulou derrière et 2-3 gars, j'y coule les scouts. Mes parents doutent de rien, pensent que la school me tient par les couilles. Donc j'taffe l'année jour et le soir devient l'idole des foules. Ouais, et la capitale bouge la tête. De nouveau prendre l'ampleur, j'y chante mon envie de conquête. La musique ma source et les loups test. Hallucine car ma troupe a le groove dans les veines. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. J'suis sur ma partition, y'a pas de limite dans la rythmique, contrairement à la religion. Mais Marliche, le rap et la force, cette voix me rend fort. Que vois-je, le diable nous fait danser dans la boîte de Pandore. Ici pour vivre du son, on te fiste le fion. Donc je glisse, je chill, car je rime pour deal et du bon. J'ai la maîtrise du don, de savoir nous faire ça. Mes potes sont pas des Saint-Bernard, mais ils flairent ça. Les Nikes, je sais mettre ça, les flows, je sais faire ça. Osmos avec le chrome d'or, il faut que tu guettes ça. Les sources en est des tas, des dizaines. Nas et Big L, Jay-Z, Hazy, bref, les flots qui glacent l'épiderme. Le flow est une des sources, comme on paraît le village du bled. Fragile, nostalgique, fan, mais quel chiard tu fais. J'esquive tempête pour vivre dans le rêve. Y'a pas de fric, mais je rime sans cesse avec ma team dans le cerf. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. Le rap est ému demain, donc laisse nous faire. On vient barrer le passé pour tracer une ère nouvelle. Ambiance petite frappe dans la ville, je zigzag sans la tige, tu kiffes ça. Je laisse des stigmates sur ta figure comme une fuite d'eau, j'avoue je me la coule douce. Je prends pas de cuite bro, j'affronte tous mes coups de blues. Les mecs sont vifs, font kiffer poto, qu'est-ce qu'on dit. Mat, c'est de la rime fat et pas de la cesse qu'on dit. Un 995 dans le game, l'impression que ça fait des lustres. Demande à Jazz, il te dira qu'il en a graffé des rues. Vrai génie qui démarqueur, mais j'ai dit que j'étais rappeur. Donc je prends le mic, fais des rappeurs et je vais le kicker avec ardeur. Je crée un disque et les crétins disent ce gars là ce goût. Mais nique les vieux détours, je veux renaître tout à la sous. Donc je la cherche comme la fraîche, les mains dans les poches tard. Mais à part mes points, j'ai rien que des joints dans des poches tard. Même si l'haché cher, je lâche cher dans ton quartier. Pendant que des fonds blards font de l'art, je lâche des verres devant ton carrier. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. J'ai été puisé à la source de milliers de fontaines de jouvence mêlées à la foudre et au vivier de conquêtes émouvantes. Tissé par la foule pour oublier que ton père est souffrant. Opéré souvent, mais suffit d'un son trompette et tout change. Avant que je naisse dans une messe au contexte éprouvant. Avant que ne se lève le glaive une jeunesse trompette et touchante. Ouais petit, on dirait bien que le ciel a trompé tes louanges. Les anges attendaient des dénouements étranges, des contrées étouffantes. Ce monde est dégoûtant et de tout temps je peux compter des moutons. Leur nombre est déroutant, j'essaie pourtant tout pour rester coupant. Tous sont laissés pour compte, où sont les vraies souffrances. Nous sommes de cette douce France où le rêve est troublant. On prend le rap à la source. Dans cette course technologique, dans cette foule métropolitaine où tout est trop logique, où t'es toutes ces sonorités. La source est trop torride comme les poules des portoricaines. Écoute les prototypes. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. Un 995, on arrive dans ce putain de biz. À la source, on va chercher des putains de hits. Un 995, on arrive dans ce putain de biz. À la source, on va chercher des putains de hits.